Chapitre 18. Les haines de famille. C'est au commencement de cet hiver, dit le vieux maître d'école, que Jean et Jacques Rantzau m'envoyèrent leurs enfants, Georges et Louise. Ils avaient à peu près le même âge, de 6 à 7 ans. Louise, la fille de Jean, venait de perdre sa mère, ce qui rendait ma tâche plus grave et plus touchante. Elle était grande, légère, avec de beaux yeux bleus et doux, et des cheveux blonds en abondance. Quand elle allait, dans son petit manteau toujours bien propre, la tête haute, regardant à droite et à gauche, on aurait dit un de ces jolis fans de biche qui traversent quelquefois la vallée aussi vite que le vent. Georges, son cousin, le fils de Jacques, avait le teint pâle et le nez grand crochu des Rantzau, leurs cheveux bruns crépus et leur large menton carré. L'obstination de la famille était peinte dans ses yeux. Ce qu'il voulait, il le voulait bien, mais l'esprit de sa cousine lui manquait. Elle avait toujours avec lui le dernier mot et le regardait par-dessus l'épaule d'un petit air de hauteur. Je mis ses deux enfants, Louise avec les petites filles et Georges avec les garçons, séparés les uns des autres par une barrière en bois. Et je suis bien forcée de le dire, au milieu de ces pauvres et de ces pauvrettes, dont les guenilles humides fumaient tout l'hiver autour d'un grand poêle de fonte, on les aurait crus d'une autre espèce. Ah, que la misère est une triste chose, et qu'elle rabaisse les malheureux. Je ne parle pas seulement du teint rose, de l'air confiant que la souffrance et les privations leur font perdre si vite, je parle aussi de l'esprit. Mon Dieu, n'est-ce pas tout simple? Les enfants du bûcheron, du ségare, du flotteur, que voient-ils? Qu'entendent-ils en rentrant dans la hutte à la nuit? Ils voient les pauvres parents assis autour d'un tas de pommes de terre et d'un pot de lait caillé, le dos courbé, les bras tombant à force de fatigue, la tête penchée, les cheveux collés par la sueur sur leur figure, n'ayant plus même le courage de penser. Quelques mots sur la coupe, sur le chemin de Schlitt, sur la neige qui tombe et rend la descente dangereuse, sur Pierre ou Paul qui viennent d'être écrasés, voilà tout. Si le dimanche on n'entendait pas monsieur le curé parler de Dieu, de la vie éternelle, des devoirs du chrétien, on ne connaîtrait que le froid, la fatigue et la faim. Chez les autres, au contraire, fils de bourgeois dans la grande salle propre, boisée tout autour à hauteur d'appui, qu'ils appellent le poêle, bien éclairé et meublé, soir et matin, à tous les repas, le père, la mère, les domestiques, les étrangers qui vont et viennent, entrent et sortent, parlant de leur marché, des nouvelles apportées par la poste ou par les journaux, en apprennent plus aux enfants que les pauvres n'en sauront jamais. Aussi, je le dis, et c'est la vérité, la première instruction est celle de la maison, celle de l'école ne vient qu'ensuite. Georges et Louise profitaient donc à vue d'œil. Au bout d'un mois, ils savaient épeler. Bientôt, ils commencèrent à lire et, chose rare chez nous, à comprendre ce qu'ils lisaient. Malgré moi, je les prenais en amitié plus que d'autres élèves, qui me donnaient de la peine sans arriver à rien. J'avais du plaisir à les interroger, à voir leurs progrès extraordinaires. Un seul point me chagrinait, c'est qu'ils se détestaient comme leurs parents. Je ne pouvais louer Georges sans voir Louise serrer les lèvres et cligner des yeux d'un air ennuyé, ni faire l'éloge de Louise sans que Georges aussitôt devint pâle de jalousie. Les vieux avaient sans doute excité leurs enfants l'un contre l'autre en parlant sans cesse à la maison des champs, des prés, de tous les biens qu'ils auraient eus sans la mauvaise foi du frère et la malédiction qui retomberait sur les descendants s'ils se réconciliaient jamais ensemble. Je reconnaissais cette mauvaise semence parmi la bonne. J'aurais bien voulu l'arracher, mais je me disais que cela regardait plutôt monsieur le curé, qu'on verrait à la première communion, qu'il faudrait bien alors réciter ensemble la prière enseignée par le Seigneur à ses disciples. Pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malgré cela, j'étais indigné de ces mauvais sentiments, et même un jour la patience m'échappa. Vous savez que dans nos pays de montagne, on est très sévère sur l'observation des fêtes, et principalement pour celle de l'enfance. D'abord arrive Saint Nicolas, le grand saint de la Lorraine, sa hotte au dos, tenant la sonnette d'une main et la verge trempée de vinaigre de l'autre. Plus tard, c'est Noël, avec ses sabres de bois, ses gâteaux, et chez les gens aisés, son petit sapin chargé de rubans, de sucreries et de noix dorées. Puis le nouvel an et les rois. La fête des rois, au temps des grandes neiges, est parmi les plus belles. Alors une troupe d'enfants court le village, revêtue de chemises, de couronnes de papier peint sur la tête, un sceptre de bois contre l'épaule, comme les rois des jeux de cartes. L'un d'eux a la figure noircie avec de la suie, c'est le roi nègre. Ils entrent ainsi dans toutes les maisons et chantent une chanson patoise, si vieille qu'on a de la peine à la comprendre. Et l'air en paraît encore plus vieux. Les trois rois y sont venus pour y adorer Jésus. Et dans un moment, ils se prosternent, criant en chœur. « Nous nous mettons en genoux !» Les bonnes gens leur donnent des pruneaux secs, des pommes, des œufs, du beurre. Naturellement, ils n'oublient pas d'entrer à l'école. Ils entrent fièrement comme des rois et chantent au milieu de l'admiration universelle, pendant qu'Hérode, caché dans l'allée, attend son tour de paraître. Tous les enfants envient leur sort, et c'est l'occasion pour l'instituteur, lorsqu'ils sont partis, de raconter la visite des mages d'Orient à notre Seigneur, qui venait de naître au petit village de Bethléem, en Judée, et se trouvait encore dans sa crèche, au milieu du bétail et des pauvres bergers, de leur peindre l'étoile qui marchait devant ses souverains, dont l'un portait de la myrrhe, l'autre de l'or et l'autre de l'encens. Je leur racontais donc ces choses merveilleuses. Ils m'écoutaient, les petites filles penchées sur la balustrade, les yeux grands ouverts et les petits garçons tout pensifs. Quelques jours après, voulant m'assurer qu'ils avaient retenu, j'interrogeais l'école. Aucun garçon ne put répéter l'histoire des mages, pas même Georges, qui ne savait par où commencer ni par où finir. Je dis à Louise de répondre, et tout de suite, d'une voix gentille et sans se presser, elle raconta la visite des monarques d'Orient au sauveur du monde, aussi bien et peut-être mieux que moi. J'en étais attendrie. « C'est bien, Louise, c'est bien, mon enfant, lui dis-je. Tu peux t'asseoir. Depuis longtemps, je n'ai pas eu de satisfaction pareille. » Sa figure brillait de joie pendant que Georges devenait tout sombre. Or, ce même jour, à la fin de l'école, ayant ouvert les fenêtres pour renouveler l'air, je regardais les enfants s'en aller en courant dans la neige et se lancer à la file sur le verglas de notre fontaine. Garçons et filles glissaient ensemble, criant, levant les bras, faisant sonner leurs petits sabots sur la glace, et quelques-uns les plus adroits, s'asseyant et continuant de glisser sur leurs talons. Toutes ces figures rondes de petites filles embéguinées dans leurs haillons, le petit nez rouge hors de la capuche, et les garçons plus hardis, se balançant sur les reins pour reprendre l'équilibre, formaient un spectacle réjouissant. Je les regardais depuis une minute, quand la petite Louise passa sur la glissade, toute gaie et riante, au milieu des garçons. Elle allait comme un oiseau, les ailes de son petit manteau déployées, sans méfiance et sans crainte. Mais dans la même seconde, je vis Georges partir derrière elle aussi vite qu'un tiercelet et lui donner en passant un grand coup de coude qui l'étendit dans la neige. J'étais déjà dehors, indigné, courant la relever en criant « Georges, Georges, arrive ici !» Elle pleurait à chaudes larmes, mais heureusement n'avait aucun mal. Georges aurait bien voulu se sauver. « Arrive ici, lui dis-je, arrive, mauvais cœur !» Je le pris par le bras et je l'emmenai dans la salle en criant « Tu l'as fait exprès !» Lui, tout pâle, ne répondait pas. « Tu l'as fait exprès !» lui dis-je encore. « Réponds-moi !» Mais il était trop fier pour mentir et ne dit rien, s'asseyant au bout d'un banc et regardant devant lui les yeux farouches. « Puisque tu ne réponds pas, lui dis-je. « C'est vrai, tu voulais faire du mal à Louise, parce qu'elle a mieux su l'histoire des mages que toi. C'est abominable, tu mérites d'être puni, tu n'iras pas dîner, je te retiens en prison. » En même temps, je sortis, fermant la porte à double tour. Cela m'avait bouleversée. J'envoyais ma femme prévenir les parents que Georges était en pénitence. Et quelques instants avant 1 heure, étant descendu, je le trouvais toujours à la même place, les coudes sur la table, les 2 joues relevées sur les poings, regardant au même endroit. On aurait dit le père Jacques songeant à son frère pour le haïr. « Tu te repens ?» lui demandai-je avec douceur. Il ne dit rien. « Tu ne le feras plus, n'est-ce pas ?»« Rien. » J'allais et je venais dans la salle tout désolé. Presque aussitôt, la mère arriva. Le dîner de l'enfant dans une écuelle sous le tablier. Elle avait les yeux gros. Je lui dis tout. La pauvre femme regardait Georges avec tristesse et finit par mettre l'écuelle devant lui. Il mangea. Puis il alla se placer à son pupitre en attendant l'arrivée des camarades. « Oh, monsieur Florence !» me dit la mère dans l'allée en s'en allant. « Quel chagrin ! Ils sont tous les mêmes. Ce sont tous des Rantzau !» Louise, en rentrant, paraissait joyeuse. Elle jetait de temps en temps à son cousin un coup d'œil satisfait. Voilà l'effet des haines de famille. Elle empoisonne le cœur des enfants.